toutes les lumières du Moulin Rouge. Spank sur toi quand tu t'accroupis. Money ton comme Moulin Rouge. Je regarde danser tout là-haut. Toutes les lumières du Moulin Rouge. Spank sur toi quand tu t'accroupis. Money ton comme Moulin Rouge. Je regarde danser tout là-haut. Dollar à faire, toujours à l'affiche, jamais dans la fame. J'ai de la fraîche qui vient d'Afrique, ça monte à la tête. Bitch dance, money enfin, je me suis barré au steak. Passe à la télé, complètement les wesh, souris à l'antenne. Puis je te parle en billet d'or, on fait un effort. Je compte les sommes, billets s'accordent à la couleur du ciel. Faut que tu danses, faut que ça bounce. Le prix tourne avant, je le fais dans la semaine, ouais. Demande à ton ex, ramène MQ2EPD sur la Southside. On avait besoin de se parer autre part, par. Hier j'ai encore fait flipper trop de mic. Vu qu'elle sait comment me faire sur la bar. J'ai les lumières du Moulin Rouge. Spank sur toi quand tu t'accroupis. Money ton comme Moulin Rouge. Je la regarderai danser tout là-haut. Toutes les lumières du Moulin Rouge. Spank sur toi quand tu t'accroupis. Money ton comme Moulin Rouge. Je regarderai danser tout là-haut. Je claque puis ça en plaque. Pour faire danser, feu me dans le bac. J'ai dû prendre la plus grande table. Pour que ma bite soit plus rentable. Je dors la journée, je ne vois que la night. À 14h pour moi c'est le matin. Je traîne pas des pieds car le bif m'attend. J'ai rien d'autre qui m'attire. Les lumières du Moulin Rouge dessinent son ombre sur le mur. Je la regarde s'envoler là où je la rejoins en tirant sur le fur. Je peux pas m'habituer hein, car chaque jour t'assures plus. Tu respectes comme si je portais le logo du club sur le pull. Il faudrait se barrer sur la costa. Avant que mes rêves deviennent des cauchemars, ma. Ce soir je débarque au strip en costa. Car je sais comment lui plaire sur sa barbe. Toutes les lumières du Moulin Rouge. Spank sur toi quand tu t'accroupis. Money ton comme Moulin Rouge. Je regarderai danser tout là-haut. Toutes les lumières du Moulin Rouge. Spank sur toi quand tu t'accroupis. Money ton comme Moulin Rouge. Je regarderai danser tout là-haut.